Chapitre 3e. Le 22 décembre 1515, la grande salle de Westminster était ornée comme les plus grandes solennités. Dans la vaste nef, garnie d'innombrables gradins, se pressait une foule de seigneurs. Au fond, sur l'estrade, se tenait le haut clergé de Londres et des comtés environnants, revêtus des plus somptueux ornements sacerdotaux. Dans chacune des tribunes se groupaient, selon leur rang, les personnages les plus éminents du royaume. Ici, les princes du sang, là, les hauts barons suzerains, plus loin, les princesses et leurs dames d'honneur. Un luxe inouï avait présidé à la décoration de cette enceinte qui voyait tour à tour les couronnements et les funérailles des rois. Ce jour-là, Lord Wolsey, cardinal et ministre, recevait de l'envoyé du pape le titre de légat. Le roi vint se placer sur le siège le plus élevé de l'estrade. Henri VIII était alors à la fleur de sa vie et de son règne. Il était encore jeune homme et jeune roi. Parfois, son caractère se montrait déjà soupçonneux, irritable. Mais les défauts ont presque toujours de la grâce au bel âge. Mais bien plus que sur le roi, l'attention des assistants se porta sur le cardinal Wolsey, sur ce favori de la fortune, cardinal, ministre, aujourd'hui légat du pape et demain peut-être souverain pontife. Tandis que les yeux de la foule étaient attachés par la curiosité, l'admiration ou l'envie sur ce fils du destin, les siens se levaient sans cesse sur la tribune royale. Là se trouvait à quelques pas de la reine une femme à demi cachée sous un long voile de soie blanche, et que toute l'assemblée savait être la plus belle de celles qui peuplaient cette enceinte. Wolsey la regardait avec cette expression dévote du marin qui tient les yeux fixés sur l'étoile qui le guide. L'évêque de Canterbury célébra l'office divin, après quoi le récipiendaire prononça les serments exigés. Deux prélats étendirent sur son front le poil béni. Puis, lorsqu'il se releva, l'anneau de légat lui fut présenté au bec d'une colombe d'argent ayant les ailes couvertes de pierreries. Il alla ensuite s'asseoir sur un siège décoré comme le trône qu'occupait Henri VIII et presque à sa hauteur. Alors, l'évêque d'Oxford, le plus docte et le plus ennuyeux des prélats, commença un discours latin. L'attention de l'assemblée faiblit peu à peu, et les entretiens particuliers s'établirent çà et là. La tribune la plus somptueuse et la plus remarquée était celle qui renfermait les dames d'honneur de Catherine d'Aragon. Anne de Boleyn, simple jeune fille attachée au service de la reine, se trouvait parmi elles. Profitant de la liberté de parler qui venait de s'établir, elle dit à la directrice des filles d'honneur, près de qui elle était assise, « Comtesse de Sorey, je vais changer de fauteuil avec vous, car sous le feu du lustre où celui-ci est placé, vos diamants ressortiront d'une manière merveilleuse. » La comtesse la remercia ironiquement, et la jeune fille, ayant changé de place, se trouva placée au coin de la tribune, seul endroit où l'on peut être vu de l'estrade qu'occupait le roi. Anne de Boleyn était moins belle que jolie. Son corsage, mince et délicat comme celui d'une toute jeune fille, était bien dessiné par sa robe flottante et de ses épaules tombait un riche manteau. Élevée auprès de la reine Marie, femme de Louis XII, la France avait été le pays natal de son intelligence. C'était là que son esprit s'était épanoui, de sorte qu'elle gardait de cette patrie morale la pensée souvent hardie, les grâces faciles, la liberté de manière, la coquetterie avouée, la vertu affable et bonne. Sa mise était des plus françaises, l'accent français même était resté dans son langage, et tout cela lui donnait le piquant de l'étrangeté au milieu de ses compatriotes. Elle dit à la comtesse de Sorey avec sa vivacité habituelle et un peu étourdie, « Comme Milord Cardinal est beau dans ses habits de cérémonie, quelle magnificence dans son costume et quel goût en même temps. Tenez, il regarde le Jéhovah de diamant du maître-autel. Je suis sûr qu'il en vaudra un pareil pour son oratoire particulier. » Mais il n'est mondain que dans son luxe. Si jeune encore et si bien pourvu d'agréments extérieurs, on ne lui connaît aucune intrigue. C'est bien étonnant, n'est-ce pas, milady? Mais nullement, ma chère, puisque son état lui impose cette retenue et que l'observation des devoirs les plus graves doit régner à la cour lorsque le monarque en donne lui-même l'exemple. Et en effet, le bonheur, comme le devoir, c'est de maintenir l'ordre, la paix, la sainteté dans la maison. Et non de porter le trouble ailleurs par de coupables intrigues ou de sottes coquetteries. Ah, milady, Ne flétrissez pas par des expressions méprisantes la part de bonheur que le ciel nous a faite. Voyez ces hommes rangés sur ces gradins. Ils étalent des manteaux chargés de blasons, ils jouent avec des croix et des cordons d'honneur suspendus à leur cou, ils ont tous des armées ou des vaisseaux à commander, des châteaux à couvrir d'armoiries, des forêts où chasser les cerfs, des tribus à lever, des mines d'or à exploiter. Nous, femmes, notre fortune, nos maisons, nos trésors, c'est l'amour qu'on vient mettre à nos pieds. C'est une fortune bien légère et bien fugitive. Ce n'est qu'un rayon, mais il suffit à illuminer notre vie. Surtout quand ce rayon est reflété par la couronne, n'est-ce pas, Miss Anna ? La jeune fille rougit. Lady Serin continua, car la faveur du roi pour Anne de Boleyn était déjà publique. Si vous étiez la femme à qui cette fortune dut être réservée, je vous dirais d'être moins séduite par son éclat qu'effrayée de ses terribles retours. Si j'étais cette femme, milady, dit Anne de Boleyn, j'aurais pour réponse la devise que mes aïeux mettaient à leur écu en allant à un combat décisif, la vie pour un jour. Et le discours latin continuait. Dans la tribune voisine se trouvaient les chambellans et autres dignitaires de la cour. Au milieu d'eux, on pouvait remarquer un homme dont la figure exprimait la mauvaise humeur et le dédain. C'était Sir Amyas Paulet, duc de Suffolk, qui joua un grand rôle dans la destinée du cardinal Wolsey. Que diable peut nous dire cet évêque avec son discours sempiternel ? S'écria Sir Amyas Paulet. Il cherche sans doute à nous prouver que nous sommes tous fort heureux, que le pape ait envoyé à ce seigneur prêtre un parchemin de plus avec sa bénédiction. Ce seigneur prêtre est notre premier ministre, milord. C'est par Dieu ce dont je me plains, reprit Paulet. Il vaudrait peut-être mieux, en effet, voir un bon marin à la tête de l'État, observa John Percy, armateur de Brighton. Ce sont des arguties, mes seigneurs, répondit Lord Wilmore, le doyen de la Chambre des Pairs. La conduite de l'Angleterre appartient à la vieille noblesse, à qui Dieu a confié son enfance, qu'il a prise toute faible dans son berceau de jonc, et en a fait une grande nation. Mais Lord, dit Amyas Paulet, le saint Jacob, le favori de sa majesté, prétend aussi au droit de gouverner les hommes, grâce à la science des grimaces qu'il possède au plus haut degré. Et pour moi, j'aimerais mieux voir à la tête de l'État ce singe mangeur de noix, que ce prêtre à valeur de richesse, de titres et de bénéfices. La rongue latine continua. La tribune la plus distraite était naturellement celle des jeunes seigneurs attachés à la maison de Wolsey. C'étaient les enfants des plus nobles familles, nommés pupilles du cardinal, qui remplissaient dans ses appartements les rôles de secrétaire et de chambellan. Comme la puissance de Wolsey surpassait réellement celle du roi, les huissiers de service avaient fait placer les lords de sa maison aux premières banquettes de la tribune, sans s'inquiéter des pages et des officiers de la cour. Ceux-ci, à leur entrée, trouvant les meilleures places prises, avaient été forcés de se contenter des derniers rangs. Georges de Boleyn, le favori de Henri VIII et frère de la belle Anna, capitaine dans les gardes, se trouva ainsi placé derrière le jeune comte Arthur Derby, le plus orgueilleux, le plus hautain des pupilles du cardinal, parce qu'il était le favori de son maître. Au lieu de faire place au dernier venu, il se carrait sur sa banquette et les regardait par-dessus l'épaule. Les officiers du roi se vengeaient de leurs rivaux par des épigrammes, et le bruit devint si fort qu'un huissier de l'intérieur s'approcha de la tribune et commanda le silence. « Que nous veut ce coq d'Inde chamarré de rouge et de vert ?» dit un jeune officier. « N'ai jamais vu cet oiseau que de la basse-cour, et je ne crois pas qu'il ait le droit de commander ici. »« Je vous demande pardon, » dit Arthur Derby. « Il a le droit de commander ici, car ce manteau rouge qui vous blesse la vue est la couleur du cardinal. » L'officier voulut répliquer, mais Georges de Boleyn dit à son compagnon d'un air d'impertinence parfaite, « Laisse donc messire Arthur nous expliquer cela. Il doit mieux que nous se connaître en livrée. » « Et je m'y prêterai volontiers, » répondit Derby, « car je conçois qu'on ait un peu oublié les usages de son pays au service de l'étranger. »« Il y a des usages qui sont de tout pays entre gentilshommes, » reprit Georges de Boleyn, « et je tiens tant à reconquérir votre estime sur ce point que j'aurais vraiment du plaisir à vous prouver que je ne les ai point oubliés. »« Je suis tout disposé à recevoir cette preuve, » dit le pupille de Wolsey, « et ce sera de la manière qui vous conviendra le mieux. »« Les armes me sont assez indifférentes, » répondit Georges de Boleyn nonchalamment. « À moins que vous ne choisissiez cependant la plume que vous taillez chaque matin à votre cardinal, la croix que vous portez en bannière devant lui, ou le sifflet avec lequel vous élevez ses perroquets. Vous verrez, je l'espère, que la dague et l'épée sont en bon état à côté de cela. À la bonne heure, sœur Arthur, dit le favori d'Henri VIII. Choisissez donc le moment qui vous sera convenable. Je pense que les heures vous sont indifférentes ainsi que les armes, répondit Arthur, à moins que je ne prenne cependant les moments où le frère d'Anna de Boleyn et le confident du roi doivent avoir des messages très pressés à remplir auprès de son maître. Malheur à vous d'avoir insulté ma sœur, s'écria Georges, car vous venez de mettre à la place d'une querelle de jeunes gens la haine d'ennemis mortels. Quelques personnes se placèrent entre les deux jeunes gens. La cérémonie finit en ce moment. La foule s'écoula. Sœur Amias Paulette regardait le nouveau légat s'éloigner au milieu de son pompeux cortège. « Voici pourtant, murmura-t-il à demi-voix, d'un ton de mépris et d'indignation, ce petit prêtre de Suffolk arrivé au dernier échelon de la fortune. « Dites au premier de la décadence, sœur Paulette, répondit une voix. Sœur Paulette se retourna avec surprise en entendant son nom. Un moine était derrière lui, c'était un frère chartreux. Il tenait à la main un bâton blanc couvert de signes inintelligibles pour les yeux du vulgaire. Le duc de Suffolk dit brusquement au moine, « Comment me connaissez-vous et pourquoi êtes-vous là à m'écouter ?»« Je vous connais pour ennemi du cardinal. »« Qui êtes-vous donc ?» demanda Paulette en fixant le moine. « Hopkins, sorti du prieuré de Hinton. » Hopkins était un moine qui pratiquait l'astrologie, l'alchimie, la démonologie, toutes les sciences occultes. Il avait été la terreur de son couvent, supprimé enfin par Wolsey, qui s'était emparé des richesses qu'il renfermait. En ce moment, du fond de la petite maison qu'il habitait dans un des faubourgs de Londres, sa renommée s'étendait sur la ville comme un nuage sombre. Dès que le duc de Suffolk connut le nom de son interlocuteur, il lui parla avec une espèce de respect. Ils s'entendirent bientôt avec la sympathie de deux hommes réunis par une passion commune. Ils sentirent le besoin de se revoir, et convinrent du jour et de l'heure où ils pourraient se retrouver. Hopkins dit au duc de Suffolk de venir le rejoindre au faubourg de Poultry, dans la maison située près de Tyburn, sur les ruines du cimetière. En recevant cette sinistre adresse et en pensant aux objets que la maison du moine devait renfermer, Paulette sentit un léger frisson d'horreur superstitieuse. Toutefois, il porta la main à un reliquaire qui reposait sur sa poitrine, et pensant que ce saint protecteur à la puissance duquel il croyait d'autant plus qu'il devait coûter plus cher, l'accompagnerait dans sa visite nocturne, il accepta le rendez-vous du moine.